Au pays du hasard qui vit dans un vieux miroir, j'ai vu sous un arc-en-ciel la rose éternelle des premiers amours. D'or étaient ses cheveux, la mer valsait dans ses yeux. J'ai vu sous un ciel d'argent naître d'une étoile un nouveau printemps. J'ai posé mon cœur dans ses mains tendues, des mots oubliés me sont revenus. Cigana, je t'aime, ne me quitte plus. Elle m'a souri et nos corps ont brûlé dans la nuit. Mais quand revint le jour, un instant j'ai cru voir comme un grand lit de diamants où quatre cygnes noirs emportaient mon amour. Au pays du hasard qui dort dans un vieux miroir, jamais je ne l'ai revu. Cigana d'un soir, cigana perdue.